me connais par mon nom, Seigneur. Tout est à nu et à découvert devant tes yeux. Tout est à toi, par toi et pour toi. Tu es le roi des nations. Tu es le roi invisible. Tu es le roi immortel. Mon âme te recherche, Seigneur. Mon âme te recherche, Seigneur. Mon cœur te recherche, Seigneur. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Aie ton chemin dans mon cœur. Visite-moi, Seigneur. Prenons une minute pour prier pour l'Église. Notre bénédiction est dans l'Église. Par Jésus-Christ. La bénédiction de l'Église contient ta bénédiction. Prions pour notre Église. Et si tu ne pries pas ici, tu pries pour ton Église de provenance. Parce que nous sommes un corps. Parce que nous sommes un corps. Ebo sakaya mala la gosete. Jamais échoué, Seigneur. Tu as dit, je bâtirai mon église. Ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Père, merci. Baba, santé. Ta fidélité est grande. Uaminifu wako ni mkubwa. Et nous sommes à toi. Na sisi ni wako. Bénéficiaires. Tunafaidia. Et des trophées de ta fidélité. Na tunakuwa taji za uaminifu wako. Et tends ta main ce soir. Wendoka tunyoshe mkono wako magharibi leo. Révèle-toi à quelqu'un. Na wendoka jifunue kwa mtu. Et donne la victoire. Na upane ushindi. De Jésus-Christ. Wa Yesu Kristo. À ton fils, à ta fille. Kwa mwana wako na kwa binti wako. Ce soir, magharibi ya leo, nous sommes au rendez-vous. Tukumekuja kutana na wewe. Parle à nos cœurs. Zungumzia mioyo yetu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Tu vas saluer une personne à côté de toi et tu lui dis qu'il nous reste deux jours. Utamsalimu anayekuwa pembeni yako mtu mmoja na unamwambia inatubakilia siku mbili. Samedi et dimanche. Siku ya sita na siku ya Mungu. Dis-lui félicitations d'avoir tenu jusqu'ici. Mwambie pongera kwa kuvumilia mpaka hapa. Félicitations. Pongera kwako. Quand la course arrive vers la fin, elle devient dure. Wakati umbiona karibia mwisho wake na kuwa hatari. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bon. Lakini inayokuwa nzuri. C'est que Dieu ne se relâche pas. Mungu achilie. Ne nous lasse pas. Mungu atuachilie. Mungu atuachilie. Il nous tient la main. Anatushika mkono. Et nous amène au but. Na natupeleka kwenye lengo. Et le but de Dieu. Na lengo la Mungu. Est en train de prendre forme dans la vie de quelqu'un. Iko nakamata umbo ndani ya maisha mtu. Si tu crois que c'est vrai, tu acclames très bien. Kama unaamini ya kwamba ni kweli unashangilia vizuri Bwana. Le but de Dieu. Lengo la Mungu. Le but de Dieu. Lengo la Mungu. Est en train de s'accomplir. Iko natimilika. Dieu ne fait exception de personne. Mungu hampendelee mtu. Chaque individu kila mtu a de la valeur devant Dieu. Anakuwa na samani mbele ya Mungu. Tel que nous sommes assis là, jinsi hapa tunakaa, Dieu te connaît par ton nom. Mungu anakujua kwa jina lako. Dieu ne va pas t'exaucer parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la prière. Mungu atakujibu sababu kuna mtu aliyekuja maombi. Si tu venais toi seul, ungekuja wewe mwenyewe, Dieu allait venir te rencontrer toi. Mungu angepaswa kuja kukukuta wewe. Parce que tu as de la valeur devant lui. Sababu una thamani mbele yake. Parce que tu as du prix à ses yeux. Sababu unakuwa na bei mbele ya macho yake. Parce qu'il est mort pour toi, Jésus. Sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Et il a tout payé pour toi. Na kalipa yote kwa ajili yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous avions commencé la troisième base. Tulianza msingi wa tatu. De la réussite. Ya mafanikio. Et nous avons parlé de gagner le cœur de Dieu. Tuliwazungumzia kupata moyo wa Mungu. Nous l'avons pas encore achevé. Hatujaimaliza. Mais l'esprit m'a mis à cœur. Lakini roho ameweka moyoni mwangu. D'aborder un peu la quatrième phase. Niingilie msingi wa nne. De la réussite selon Dieu. Ya mafanikio kufuatana na Mungu. Qui est la conscience ambayo ni zamiri du combat de la réussite. Ya vita vya mafanikio. Le pasteur Christophe, mchungaji Christophe, nous a parlé de la réussite dans le combat spirituel. Alituzungumzia mafanikio ndani ya vita vya kiroho. Et il y a deux combats auxquels je voudrais partager. Na kuna vita mbili ambao ningependa tuchangie pamoja. Pour ce que j'ai promis hier, kwa ile ambayo niliwaahidi jana, nous allons le continuer dans les réunions prochaines. Tutaendelea ndani ya mikutano zifuatazo. C'est-à-dire, ni kusema, la compréhension de ce que c'est que être un donateur sans réserve. Kuelewa nini kuwa mpanaji bila kufunga mkono. Que nous avons appelé la complicité financière avec Dieu. Ambayo tuliita ushirika wa kipesa pamoja na Mungu. Comment je peux être un complice de Dieu? Namna gani naweza kuwa mshirika wa Mungu? Dans ses affaires. Ndani ya kazi zake. On va parler de ça prochainement. Tutaizungumzia siku zijazo. C'est beaucoup de matière. Inakuwa ni mambo nyingi. Et nous n'allions pas le finir aujourd'hui. Na tungeweza kuimaliza leo. Alors je préfère parler. Na natamani nizungumzie de vaincre les ennemis de ta réussite. Kushinda madui za mafanikio yako. Alléluia. Amina. Vous savez, frères, sœurs, mnajua ndugu dada, depuis le 27 mai, tangu tarehe 27 mwezi wa 5, Dieu est en train de travailler sur nos cœurs. Mungu iko natumika juu ya mioyo zetu. Et Dieu est sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Na Mungu iko ndani ya kweli ndani ya ile ambayo anaifanya. Je vous ai dit, niliwaambia, Dieu ne peut pas convoquer un peuple juste pour rien. Mungu hawezi ita taifa kwa ajili ya bure. Juste pour nous faire maigrir. Ili tu watugondeshe. Juste pour nous faire souffrir. Ili atutesekeshe. Lorsque Dieu convoque son peuple, wakati Mungu anaita watu wake, il a un objectif. Anakuwa na lengo. Et il s'engage à suivre de près. Na anajitoa fuatilie karibu. L'accomplissement de cet objectif. Utimilifu wa ile shabaha. Et pour ce tournant décisif, na kwa ajili ya kipindi hiki, Dieu est décidé. Mungu ameamua. D'amener chacun d'entre nous. Kuleta kila mmoja wetu. Dans un tournant décisif. Ndani ya mzunguko mkubwa. En matière de réussite. Ndani ya mafanikio. Dieu n'a pas créé l'homme. Mungu hakumuumba mwanadamu pour échouer. Ili ashindwe. Quel que soit le domaine où il t'a placé. Ijalishi uwanja ambao umekuweka ndani. Dieu n'a pas prévu. Mungu hakutayarisha. au commencement mwanzoni que tu vas échouer ya kwamba utashindwa. Mais ce qui a apporté l'échec, la chute, lakini iliyoleta kushindwa na maanguko, c'est le péché, ni zambi. Et quand on dit le péché, na tunaposema zambi, donc qu'est-ce qu'il dira? Wamoja atasema, donc si je confesse, ni kusema kama nakiri, j'ai réussi. Ninafanikiwa. Non. Apana. La chute est arrivée. Maanguko ilifika. Elle nous a éloigné. Na ikatupeleka mbali. Du diapason de Dieu. Na mahali ambapo Mungu anaangazia. Il dit à Abraham, anamwambia Abraham, marche devant ma face. Tembea mbele ya uso wangu. Autrement, marche dans mon diapason. Kwa maneno mengine, tembea mbele ya mahali ninapoangazia. Je te bénirai. Nitakubariki. Marche devant ma face. Tembea mbele ya uso wangu. Marche là où je regarde. Tembea mahali ambapo ninapoona. Marche dans ma lumière. Tembea ndani ya nuru yangu. Et la lumière de Dieu. Na nuru ya Mungu. Je vous ai dit que c'est pas une lampe. Niliwaambia kwamba sio taa. Mais c'est la connaissance dans notre esprit. Lakini ni ufahamu ndani ya akili yetu. C'est ce travail de Dieu. Ni ile kazi ya Mungu. Où il enlève le ténèbre notre esprit. Ambayo anaondoa giza ndani ya akili yetu. Où il dissipe les dysfonctionnements de notre esprit. Ambayo anaondosha ile notre âme, et il nous sort de cette de ces conséquences de la chute. Parce que lorsque la chute est arrivée, l'homme a commencé à dysfonctionner. L'homme a commencé à être comme déréglé. Mwanadamu akaanza kuwa anatumika vibaya. Et l'œuvre de Christ, na kazi ya Kristo, est venue, ilikuja, pour réparer les choses, ili uweze kutengeneza mambo, pour remettre les choses à leur place, na irudishe mambo kwa nafasi yake, afin que, ili, toi et moi, wewe na mimi, nous puissions retrouver, tuweze kupata, le fonctionnement de départ, kutembea kama vile ilivyotayarishwa mwanzo. Et voilà que, natazama sasa, lorsque tu peux juste confesser ton péché, wakati unaweza kiri zambi zako, tu as besoin qu'un travail soit fait sur toi. Unahitaji kazi ifanyike juu yako. Qu'un travail soit fait en toi. Kazi ifanyike ndani yako. Dans ton homme intérieur. Ndani ya mtu wako wa ndani. Dans ta manière de comprendre les choses. Ndani ya namna yako ya kuelewa mambo. Dans ta manière de percevoir la société. Ndani ya namna yako ya kutazama jamii. Dans ta manière de te regarder toi-même. Ndani ya namna yako ya kujiangalia wewe mwenyewe. Dans ta manière de regarder les autres. Ndani ya namna yako ya kuangalia wengine. Dans ta manière de regarder Dieu. Ndani ya namna yako dans ta manière d'être. Et c'est un grand travail. Et c'est pour cela qu'il faut des bases. En fait, les fondements ont été ébranlés par la chute. Il faut reconstruire les bases. Il faut remettre les rails à leur place. Et monter sur ces rails. Et commencer ton voyage. Et pour le cas. Na kwa hiyo, dans la réussite. Ndani ya mafanikio. Quelquefois nous prions. Mara tunaomba. Et nous venons à Dieu disons. Na tunakuja kwa Mungu tukisema, Seigneur, Bwana, bénis-moi. Unibariki. La meilleure bénédiction baraka nzuri que Dieu nous réserve, ambayo Mungu anatutayarishia, c'est celle qui commence dans notre système de fonctionnement. Ambayo inaanza ndani ya namna yetu ya kuongoza mambo. Vous avez vu beaucoup de parents qui ont fait des richesses et qui ont laissé les richesses à leurs enfants. Mais comme les enfants n'ont pas été travaillés dans leur système de fonctionnement, et ils ont tout de suite dilapidé les richesses et l'héritage. Ils ont vendu, ils se sont mariés, ils se sont mariés, remariés. Ils sont partis s'amuser, ils ont joui de la vie. Et puis c'était tout. Parce que dans leur système de fonctionnement, il y avait de graves déficits. Et c'est ainsi que, chers parents, nous avons la responsabilité d'aider nos enfants et de laisser un héritage. Beaucoup de parents se battent pour laisser l'héritage matériel aux enfants. Battez-vous, battons-nous pour laisser un héritage intrinsèque. Uriti wandani. Un héritage intrinsèque. Uriti wandani ya mtu. Dans le cœur de nos enfants. Ndani ya mioyo za watoto wetu. Dans l'âme de notre enfant. Ndani ya nafsi ya mtoto wetu. Dans l'esprit de notre enfant. Ndani ya akili ya mtoto wetu. Alors même si nous lui aurons pas laissé une maison. Hata wakati hatutakuwa tumemwachia nyumba. Cet enfant construira lui-même et produira lui-même sa maison. Ule mtoto yeye mwenyewe atajitengea nyumba yake. Beaucoup de parents s'éloignent même de Dieu. Wasasi wengi wanaenda mbali na Mungu. Et vont chercher l'ennemi pour les aider. Na wanaenda kutafuta adui ili awasaidie. De la réussite et de comment je qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants. Kwa jina ya kusema nitaachia nini watoto wangu. Ils abandonnent les enfants. Wanaacha watoto. Pour aller chercher les maisons et les champs et les fermes. Ili waende wakatafute mashamba na manyumba. Ils vont laisser aux enfants. Ambao wataachia watoto. Afin que ces richesses tuent leurs enfants. Ili ile utajiri uwe watoto wao. Ils n'ont pas préparé les enfants. Hawakuwa tayarisha watoto. Dans l'homme intérieur. Ndani ya mtu wao ndani. Dans leur système de fonctionnement. Ndani ya akili yao. Dans leur esprit. Ndani ya roho yao. Au point que kwa jinsi le diable a récupéré la chose. Shetani amechukua jambo. Il a juste récupéré les enfants qui sont à la merci de la rue. Amechukua hawa watoto ambao wako barabarani. Parce que papa est parti chercher l'argent. Sababu baba alienda kutafuta pesa. Et quand il revient avec l'argent, anaporudi na pesa, il n'y a plus d'enfants. Hakuna tena mtoto. Les enfants sont foutus. Watoto wamekuwa pumbafu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je namzungumzia mtu. Chers enfants, watoto wapenzi, ne vous contentez pas des bonbons. Musifurahie mabonbon. Que vos parents vous amènent. Masukari ambao watoto wazazi wenu wanawaletea. C'est-à-dire des télévisions. Ni kusema runinga. Des iPhone. Wanawaletea masimu. Pour jouir des richesses que papa est en train de construire. Ile utajiri ambao baba yuko nawachengea. Mon papa même il m'a amené un iPhone. Baba yangu ananipenda ameniletea simu iPhone. Ameniletea Samsung. Ne vous contentez pas de ces choses. Usifurahie mambo hayo. Posez la question à votre papa. Ulize swali baba yako. Au lieu de m'amener un iPhone. Pahali pa kuniletea simu. Montre-moi comment on trouve et on crée soi-même son iPhone. Unionyeshe jinsi unaweza kutafuta na upate wewe mwenyewe simu hiyo. Vous vous contentez de toutes ces choses. Unajifurahisha na mambo hayo. Construisez de bonnes maisons. Wanawachengia manyumba nzuri. Et vous vous dites. Na unasema. Papa meurt vite. Baba kufa mbio. Pour que je reste avec. Mais malheureusement, tu lui as pas posé la question précédente. Lakini bahati mbaya kumuuliza swali ambalo lingekuja mbele. Papa, baba, comment tu as fait pour avoir la maison? Namna gani ulifanya ili upate nyumba hii? Est-ce qu'il y a un enfant ici? Je kuna mtoto hapa? Je dis un jeune. Nasema kijana. Même dans le ministère. Hata ndani ya huduma. Certaines personnes viennent en l'église. Watu wengi wanakuja kanisani. Et ils sont juste en train de jouir de la vie de l'église. Na wako tu nafurahia maisha ya kanisa. On leur prêche la parole. Wanawahubiria neno la Mungu. Elle leur passe outre. Na inapita pembeni. Ils sont juste là. Wako tu hapo. Pour jouir de l'ambiance. Ili wafurahie tu ile mchezo kanisani. C'était beau aujourd'hui. Ah, ilikuwa vizuri kabisa siku ya leo. Le pasteur a bien prêché. Mchungaji alihubiri vizuri. Qu'est-ce qu'il a prêché? Alihubiri nini? Non, c'était beau. Oh, ilikuwa vizuri. Alleluia. Amen. Mais tu l'as pas écouté. Lakini hakusikiliza. Tu as vu ce geste qu'il a fait? Uliona tu ile matendo aliyokuwa akifanya. Il est descendu dans l'assemblée. Akashuka ndani ya mkutano. C'était beau. Ilikuwa ni vizuri ya kupendeza. Et quand il vient à la Na unapokuja sasa kwa kwaya. Non, mais voici là. Oh, ule kijana wasi ule. Mais cet enfant-là est sorti d'où même. Oh, kijana uni hatari. Qu'ils étaient très bien habillés. Walikuwa wanavaa vizuri. Écoutez. Sikia. Pose la question. Uliza swali. Comment on fait namna gani wanafanya pour que l'église arrive et devienne ce qu'elle est. Ili kanisa ifikie na ikue inayokuwa. Et les réponses à ce genre de questions na majibu kwa maswali kama na haya ne sont pas des bonbons. Sio sukari sukari. Et c'est de cela que tu as besoin. Na ni hiyo ndio unayohitaji. Tu veux servir Dieu. Unapenda mtumikie Mungu. Mais comment on fait? Namna gani unafanya? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nini unapaswa kuelewa? Vous savez, même dans le ministère, mnajua hata ndani ya huduma. La plupart des cas, la plupart de fois, mara nyingi, les gens qui sont venus dans une église, watu ambao walikuja ndani ya kanisa, à la deuxième ou troisième génération, kwa kizazi cha pili ama cha tatu, ne comprennent pas souvent ce qui se passe. Mara waelewe nini napitikana. Quand je pense à notre papa, Jacques André Verneau. Ninapo waza juu ya baba wetu Jacques André Verneau. Je suis arrivé à la borne en 86. Nilifika kanisa la borne ilikuwa mwaka wa 86. J'ai tout de suite été marqué par beaucoup de choses. Na hapo hapo niliguswa na mambo nyingi. Et j'ai quitté là où j'ai prié à la Pepe Yukin. Ni katoka mahali ambapo nilikuwa naombea. J'étais marqué par ce papa. Niliguswa na baba huyo. Anselé. Uko Nsele. Dans une conférence de Campus pour Christ. Ndani ya mkutano moja wa Campus pour Christ. Une conférence mondiale. Ilikuwa ni mkutano wa ulimwengu nzima. Oui, là, il était en train d'interpréter Bill Bright. Bill Bright. Ambapo alikuwa akitafsiri Bill Bright. Et il y a eu comme une connexion spirituelle. Na kukakuwa kama masiliano ya kiroho. Avec lui. Pamoja naye. Et curieusement ou heureusement, j'étais dans la chambre. Na kwa mshangao bahati nzuri nilikuwa ndani ya chumba. Nous étions plusieurs dans un auditoire, un dortoir. Na tulikuwa wengi mahali ambapo tulikuwa tukilala. Mon voisin là. Na jirani yangu hapo. Il priait déjà à la borne. Alikuwa anaanza kuombea huko kwa la borne. J'ai vu comment il était différent. Na nikaona jinsi alikuwa tofauti. Comme mon cœur s'attachait à tout ce qui est différent. Na jinsi moyo wangu ulikuwa nambatana na utofauti. J'ai découvert qu'il prie dans une église qu'on appelle la borne. Nikagundua ya kwamba anaombea ndani ya kanisa wanaoliita la borne. Et le pasteur, c'est ce monsieur là qui interprète. Na mchungaji ni ule mtu ambaye alikuwa akitafsiri. Je suis allé à la borne. Nikaenda pa la borne. J'ai commencé à prier là-bas. Nikaanza kuombea hapo. Frère sœur. Ndugu dada. À 87. Mwaka wa 87. Ce papa nous a parlé de ce que c'est que l'église, nini kanisa, de ce que la conversion. Nini kuokoka. Il a investi, il a investi. Akawekeza, akawekeza. Et on a commencé la chaîne de prières. Na tukaanza maombi. La chaîne de prières. Tukaanza maombi ya kurudilia. 24/24. Saa 12:24. Et quand je regarde Napona. Tous ces bien-aimés qui étaient au départ dans cette première génération. Hao wapendwa wote waliokuwa mwanzo kwa hiki kizazi cha kwanza. Des disciples du pasteur Verneau. Wafuasi wa mchungaji Verneau. Ils ont beaucoup appris de lui. Walijifunza nyingi kwake. Et quand vous observez ce qu'ils sont devenus partout où ils sont partis. Na unapochunguza wamekuwa wanani mahali pote walipoenda. Ils ont accompli de grandes œuvres. Wamefanya mambo makubwa. Dans le ministère, les personnes qui viennent dans une église à la deuxième, troisième génération, s'il ne faut pas attention, ils ratent l'essentiel. Parce qu'ils n'auront pas eu le temps de voir le prix que les leaders payent pour que ils deviennent ce qu'ils sont. Wakuwe ile ambao wamekuwa. Pour que le travail soit ce qu'il est. Ili kazi iwe ambayo iko. Pour que le résultat soit ce qu'il est. Ili matokeo yawe yale ambayo iko. Souvent quand ils arrivent, mara wanapofika, ils trouvent tout est déjà là. Wanakuta yote meshakuwa tayari. Il y a déjà un bâtiment. Kumeshakuwa jengo. Une bonne chorale. Kunakuwa kwaya nzuri. Il y a une bonne équipe d'intercession. Kunakuwa kikundi nzuri cha waombaji. Tout est bien établi. Mambo yote yamewekwa vizuri. Mais ils ne savent pas. Lakini hawajui. Ces choses établies sont arrivées comment? Mambo haya ambayo yamewekwa, yamefika namna gani? J'aimerais m'adresser à un archois ici. Ningependa nimwambie mwanamembo wa kanisa hili. Si tu veux réussir dans le ministère. Kama unapenda ufanikiwe ndani ya huduma. Ne te contente pas. Usijifurahishe. D'apprendre de ce qui apparaît. Ujifunze kupitia ile inayoonekana kwa macho. C'est ça? Oui. Ne te limite pas. Usiishie. À apprendre de l'apparence. Kujifunza tu kwa ile ambayo inaonekana. Vous pouvez venir dans une église. Unaweza kuja ndani ya kanisa. Et vous voyez un pasteur bien habillé comme moi. Na unaona mchungaji anavaa vizuri kama mimi. C'est vrai, hein? Ni vizuri, hein? Yeah. Ni kweli. Et ce que vous apprenez en cette église, c'est comment bien s'habiller. Namna gani kuvaa vizuri. Et vous allez me prendre des crédits. Na unaanza kuchukua hata madeni. Pour vous habiller comme les pasteurs. Ili uvae vizuri kama mchungaji. Mais vous ne saurez pas. Lakini hautajua. Qu'il y a eu un temps. Ya kwamba kulikuwa wakati. Où il n'avait qu'une veste. Ambao alikuwa tu na suti moja. De laver. Ya kuchuya. Et qu'il a porté pendant quelques années. Nambayo aliva muda wa miaka nyingi. Et qu'il a marché avec des souliers. Namba alitembea hata na viatu. Ya kubamba. Ambao alikuwa amesha shona. Vous ne savez pas. Haujui. Et vous n'avez pas appris comment on fait. Na ukujifunza namna gani wanafanya. Lorsqu'on n'a pas encore deux vestes, trois, quatre, cinq. Wakati haujakuwa na suti mbili, vous n'avez pas appris comment on fait. Haujifunza namna gani kufanya. Lorsqu'on est serviteur de Dieu. Wakati uko mtumishi wa Mungu. Et que tout le monde a une voiture. Na kila mtu ana gari. Sauf les serviteurs. Lakini wewe mtumishi hauna. Que vous êtes à pied. Uko natembelea mguu. Et vous prêchez à des personnes. Na unahubiri watu. Qui ont des maisons. Ambao wana manyumba. Qui ont des voitures. Ambao wana magari. Et que quand vous venez avec votre voiture, na unapokuja na gari lako, vous n'aimez pas qu'on vous dérange en fait. Haupendi wakusumbue. Vous aimez mieux qu'on vous laisse tranquille. Unapenda wakuache na amani. Vous voyez, quand vous allez dans des moments de prière, na unapoenda ndani ya wakati wa maombi, c'est rare de voir des grandes voitures dans ces lieux-là. Unaweza, hauwezi kuta sana les magari grandes voitures, vous comprenez les grandes voitures. Magari makubwa makubwa. Ya bei kali. Mais quand c'est dimanche, lakini kama ni siku ya Mungu, et que tout le monde est là, kila mtu iko hapo, on peut venir avec sa grande voiture. Unaweza kuja na gari lako la bei kali. Et souvent après 1h30, na kisha saa moja na nusu, la montre chatouille. Na saa inaanza kukuwasha. Un peu comme pour dire, kwa kusema, Monsieur le boss, hey, baba bossi, je suis sur ton bras, niko kwenye mkono wako, je surveille les choses, niko nachunguza mambo. Et là, na hapo sasa, je crois que ce pasteur commence à déborder. Na mimi mchungaji ameanza kuvuka mipaka. Et ce grand boss, na huyo boss mkubwa, qui est venu, ambaye alikuja, dans cet environnement glorieux, ndani ya mazingira ya utukufu, parce qu'il faut qu'il soit à la hauteur, à la page. Sababu inapaswa akuwe mahali pazuri. Vous savez, quand tu viens avec ta grande voiture, unajua unapokuja na gari lako zuri, et qu'il n'y a que celle-là, na unakuwa tu na ile, c'est comme si quoi que butamu. C'est comme si c'est pas bon. Mais quand il y a beaucoup d'autres voitures, lakini wakati kuna magari ingine, des voitures inférieures surtout, magari za chini chini, et quand la tienne arrive, na wakati yako sasa inafika, ta voiture est agréable. Gari yako inaonekana kama nzuri. Elle te fait du plaisir. Na inakufurahisha. Un peu comme quelqu'un qui venait dans une assemblée, kama mtu anayekuja ndani ya mkutano, pour dire je crois quand même à Dieu, anasema namwamini Mungu. Et il faut quand même que j'y arrive. Na inaomba kabisa nifike. Pour dire à Dieu. Ili nimwambie Mungu. Dieu. Mungu. Est-ce que tu m'as vu aujourd'hui? Je uliniona siku ya leo. J'ai payé la dette, hein? Nilipa deni. J'étais quand même là, non? Si nilikuwa hapo kabisa. En fait, tout va bien, Seigneur. Si mambo yote naendeka sawa Bwana. Mais ces gens ici que tu as mis là. Lakini hao watu ambao uliweka. Ils doivent être un peu corrects, hein? Wanapaswa kuwa kabisa watu wazuri. Il faut qu'ils respectent le temps. Inaomba waanze kuheshimu wakati. Et puis il faut qu'ils nous traitent bien, hein? Na inaomba waanze kutuona vizuri. Ils doivent nous respecter. Wanapaswa kutuheshimia. Et quand tu as fini de saluer Dieu. Na unapomaliza sasa kumsalimu Mungu. Seigneur, bonjour. Bwana jambo. Je suis venu aujourd'hui, hein? Nimekuja siku ya leo. J'étais là. Nimekuwa hapo. Est-ce que tu as coché? Je uliweka sahihi kwa nafasi yangu. Tu as coché que j'étais là? Ulikubali ya kwanza ya kwamba nilikuwa hapo? Peut-être Dieu sait pas s'il répond ou s'il c'était. Sijui kama Mungu anajibu ama kama ananyamaza. Et puis tu dis bye Seigneur. Na kisha unasema bye baba kwa kuonana. Se va bientôt. Tutaonana. En fait, je suis très occupé, excusez-moi Seigneur. Nina shughuli nyingi Bwana, unisamee tafadhali. Et on est reparti. Na unarudi. Dans les autres gloires. Ndani ya utukufu nyingine. Et quand tu vis de cette façon la vie chrétienne, na unapoishi namna hii maisha ya Kikristo, tu n'apprends pas. Haujifunze. Tu seras sauvé comme au travers du feu. Utaokolewa kama kupitia moto. Qu'est-ce que j'attends par que tu n'apprends pas? Ninasikia ndani ya ile ambao haujifunze kitu. C'est que en fait, nikusema, Ton système de fonctionnement n'est pas exposé à la lumière de Dieu, c'est-à-dire à la vérité, afin que cette lumière luise dans ton esprit et que tu deviennes à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Jean 1, 12, 13. Yohana 1, 12, 13. Elle a donné le pouvoir. Tu peux te poser la question, mais comment on appelle Jésus, elle? Unaweza kujiuliza swali namna gani wanamuita Yesu Kristo? Afesa tous ceux qui ont reçu la parole féminine. Ni wale ambao walipokea ile neno. Mais cette parole, c'est aussi la lumière. Lakini ile neno ni nuru. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Ile neno ni Yesu Kristo. Quiconque a reçu la parole, na yeyote aliyepokea neno, la parole neno, lui a donné le pouvoir de devenir. Wakua. Si tu deviens kama unakua, ce que tu étais, ni kusema ulikuwa mbeleni. Est-ce que vous me suivez? Tia mnanifuata? Cesse d'aller dans l'église pour rester tel que tu es. Reçois la parole dans ton homme intérieur afin que elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu, la Bible dit là, les disciples affermis sera comme son maître. Biblia nasema ya kwanza mfuasi ambaye ameimarika atakuwa kama bwana wake. On devient comme son maître. Unakuwa kama bwana wako. À force d'exposer son système de fonctionnement zidu unaweka au système de fonctionnement de son maître. Mbele ya akili ya mwalimu wako. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors, lorsque nous disons Seigneur, tunaposema Bwana, donne-moi ta faveur, unipatie kibali chako, Dieu veut bien te la donner. Mungu anahitaji ikupatie. Et il te la donne même. Na anaikupatia. Lorsque des décrets, des déclarations sont prononcés du haut de la chair, wakati kuna matamko ambayo yametangazwa hapa Dieu kwenye mazabahu, n'est pas en train de s'amuser avec nous. Mungu haiko najifurahisha pamoja nasi. Ces déclarations sont vraies. Haya matamko ni ya kweli. Mais elle tombe dans quel système de fonctionnement? Lakini yananguka ndani ya akili gani? Vous voyez dans la parole de Dieu beaucoup d'hommes. Si mnaona ndani ya neno la Mungu watu wengi. Qui ont obtenu la faveur de Dieu? Ambao walipata kibali cha Mungu. Mais qui l'ont foulé aux pieds? Lakini ambao walikanyagia kwa miguu yao. Pourquoi ils l'ont foulé aux pieds? Sababu gani walikanyagia kwa miguu yao? Parce que la face B. Sababu hii uso wa pili. De la faveur, wakibali, c'est la responsabilité. Ni jukumu. Tu ne sauras jamais jouir d'une faveur hauta tumikisha kibali si tu n'assumes pas la responsabilité de cette faveur. Kama ufanye jukumu za ile kibali. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Kuna mifano nyingi ndani ya Biblia. Voyez le cas d'Ezekias, par exemple. Naweza kuona mfano wa Ezekia. Dieu lui envoie le prophète Isaïe pour lui dire, Mungu anamtumia nabii Isaya ili amwambie, donne des ordres à ta famille, tu vas mourir. Toa maamri maagizo kwa jamaa yako sababu utakufa. Ezekias prie le Seigneur. Na Ezekia kaomba Bwana. Il pleure. Analia. Pendant que le prophète sort encore de la cour royale, wakati nabii iko natoka ndani ya uwanja wa kifalme, Dieu revient à lui et dit non, rentre là. Mungu anamrudilia na anamwambia rudi huko ndani. Va lui dire qu'il va plus mourir. Wendo kamwambia hata kufa tena. Je lui accorde 15 ans. Ninamuongezea miaka 15. Et il est guéri. Na amepona. Mais dans la suite, lakini ndani ya endeleo, il reçoit des visiteurs. Anapokea wageni. Et dans la gloire de sa guérison, dans la gloire de son royaume et de son règne, na ndani ya utukufu wa uponyaji wake na utawala wake, il va aller montrer à ses visiteurs les richesses du temple, les richesses du pays. Ataanza enda kuonyesha wageni utajiri wa hekalu na utajiri wa nchi. Une catastrophe pour la nation. Na ambayo itakuwa shida kubwa juu ya taifa. Parce que finalement ces gens viendront ils vont attaquer, ils vont détruire le pays. Sababu hao watu mwishoni watakuja ili waweze kupigana na nchi na waiharibu. S'il avait bien compris, il saurait que ce que Dieu a fait pour moi me donne la responsabilité de parler de Dieu et non de moi-même. Il aurait présenté le Dieu qui l'a guéri à ces étrangers et ne pas user de ces risques. De ces risques kutumia hii hatari d'exposer les secrets de son pays. Ya kuonyesha siri ya nchi yake. Il a eu 15 ans. Alipata miaka 15. Et puis il est mort à nouveau. Kisha akakufa. Regardez le cas de Saül. Mwangalie mfano wa Saulo. Ce grand roi, premier roi d'Israël. Mfalme mkubwa, mfalme wa kwanza wa Israeli. On a longuement parlé de lui durant ce programme. Tumemzungumzia sana ndani ya mkutano huu. Il est passé roi. Alipita kuwa mfalme. Il était très humble. Na alikuwa mnyenyekevu sana. Et le prophète Samuel lui a même félicité à un moment, malheureusement à la fin de son règne. Na nabii Samueli alimpatia pongera hata mwisho wa utawala wake. Akamwambia ulipokuwa mdogo kwa macho yako. N'es-tu pas devenu le chef d'Israël? Je hukukuwa mwongozi wa Israeli? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Amefanya nini? Il vient de prendre des choses qui étaient interdites par Dieu dans ces combats-là. Amechukua mambo ambayo yalikuwa yamekatazwa na Mungu ndani ya vita hiyo. Et il se justifie. Na anajitetea akisema. Ces brebis, ces béliers, le peuple a trouvé que c'est bon et c'est intéressant pour aller offrir ça à l'Éternel. Ya kwamba hizi kondoo na hii vitu vyote ni vizuri, taifa iliona ya kwamba ni vizuri tutaenda kuvitolea Bwana. Pourtant, il avait aussi gardé le roi. Il aurait lui posé la question, « Eh le roi, tu vas l'offrir à l'Éternel ?» Na ungepaswa muuliza swali, sasa na mfalme, na utamtolea kwa Bwana. Notre fonctionnement. Namna yetu ya kuona mambo. Et il fut destitué. Na hapo akatoshwa kwenye kiti cha ufalme. Vous connaissez l'histoire courante de Esaü, le grand frère de Jacob. Mnajua historia ya Esau mkubwa yake na Yakobo. Qui vendit son droit d'aînesse. Ambaye aliuzisha haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Pour un plat. Kwa ajili ya sahani. De lentilles. Ya mchuzi. Pendant ce temps. Kwa wakati huo. Il y avait un petit dans la famille. Kulikuwa kijana ndani ya jamaa. Son propre petit frère jumeau. Kijana ambaye alikuwa mdogo wake. Qui était attentif. À tout ce qui se passait. Depuis sa naissance, il était attentif. Et il comprenait que si je fonctionne bien, je peux attraper le droit d'aînesse. Ma mère m'a dit que quand on est sorti du sein maternel, les sages-femmes ont révélé que quand on est sorti, j'avais attrapé le pied. Nilikuwa nimesha shika kisingino cha Isaya. Esau, kwa kusema, c'est moi qui devais sortir le premier. Ya kwamba mimi ndiye ningepaswa toka wa kwanza. Mais je peux obtenir ça. Sinaweza kuipata. Et il était attentif. Na alikuwa mwangalifu. En train d'attendre l'opportunité. Akingojelea ili apate fursa. Jusqu'à ce que l'opportunité se présente. Mpaka wakati fursa ilipofika. Un grand frère irresponsable. Mkubwa ya mtu ambaye revient affamé. Haziheshimu jukumu zake anarudi akiwa amesikia njaa. Et puis il demande. Na kisha anaomba de sa nourriture. Wampatie chakula. L'inspiration lui arrive. Na akavuviwa hapo hapo. Parce que ça marche là-dedans. Sababu mambo inaendeka huko ndani. Il obtient le droit d'aînesse. Na anapokea haki ya mzaliwa wa kwanza. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Toi et moi, wewe na mimi, nous pouvons aussi. Tunaweza pia. J'aimerais rapidement partager sur deux ennemis. Ningependa nichangie juu ya maadui mimi. La réussite. Ya mafanikio. Le premier ennemi, adui wa kwanza, c'est l'ennemi de la semence. Ni adui wa mbegu. Et le second, na wapili, c'est l'ennemi de la moisson. Ni adui wa mavuno. Bwana asifiwe. Amina. Il est écrit. Imeandikwa. Dans Genèse. Ndani ya Mwanzo. Chapitre 8 verset 22. Sura 8 shaili la 22. Tu peux le lire avec moi. Unaweza kusoma pamoja nami. Genèse. Mwanzo. Commence au verset 20, il est écrit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes, les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera. Tu peux le lire avec moi. 1, 2, 3. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne cesseront point. Une loi que Dieu est en train d'établir. Après avoir détruit toute la terre, dans une sorte de recommencement, dans une sorte d'opportunité d'investissement, d'opportunité de s'aimer, wakati wakupanda, de faire quelque chose, wakufanya jambo, de commencer un processus de réussite. Wakuanza hatua ya mafanikio. Dieu dit, Mungu anasema, la loi de la semaille et la moisson, sheria ya kupanda na kuvuna, subsistera. Itaendelea. Il y a donc l'ennemi ni kusema kuna adui, qui attaque ambaye anashambulia, le temps de la semaille, wakati wa kupanda, et qui attaque na ambaye anashambulia pia, la moisson, mavuno. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Commençons par parler de la moisson. Tuanze kuzungumzia mavuno. Vous allez prendre Juges chapitre 6, verset 1 et suivant. Mtachukua Waamuzi 6, moja na kuendelea. C'est l'un de nos textes du mois. Ni moja wapo ya andiko zetu. Nous en avons parlé avec la première base. Na tulizungumzia kwenye msingi wa kwanza. Israël est en difficulté. Israël yanakuwa ndani ya shida. Ils sont matraqués chaque année. Wanapigwa kila mwaka. À l'heure de la moisson. Wakati wa mavuno. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Si mnakumbuka hii. Et voici 7 ans. Natazama sasa miaka 7. Madian avec les fils de l'Orient. Ambao Madiani na wana wa Mashariki. Et Amalek. Na Amaleki. Viennent chaque année. Wanakuja kila mwaka. Au temps de la moisson. Wakati wa mavuno. Pour piller le pays. Ili waweze kuiba nchi nzima. Pour piller la moisson. Ili waweze kuchukua mavuno yote. Pour détruire toute chose. Na waharibu jambo lote. Pour prendre les brebis et partir avec. Ili wachukue kondoo na wende nazo. Prendre la moisson et partir avec. Wachukue mavuno na wende pamoja nayo. L'ennemi, adui, ne supporte pas que tu moissonnes. Hafumilie uwezo kavune. Dans ce contexte de Madian, ndani ya hii hali ya Midian, que nous pouvons appeler, ambao tunaweza kuita, l'esprit de Madian, roho wa Midiani, contre la moisson, kwa kupiganisha mavuno. Dans ce contexte, ndani ya hali hii, il ressort, inatokea, que Madian laissait le peuple s'aimer, ya kwamba Midiani iliacha watu wapande, il le laissait sarcler, waliacha waparilie, il le laissait arroser, waliacha wamiminie maji, jusqu'à ce que, mpaka wakati, la moisson arrive, mavuno inapofika. Et il venait. Na walikuja sasa. Et il détruisait. Na walikuwa wakiharibu. Avez-vous observé cela dans votre vie? Je umechunguza hii ndani ya maisha yenu? Où vous commencez toujours des choses. Ambao unaanza mambo. Mais quand vient le temps d'en jouir. Lakini wakati ya kuifurahia inafika sasa. C'est comme si quelqu'un vous a tapé sur la main. Ni kama kuna mtu ambaye alikupiga kwenye mkono. Et il a renversé les haricots. Na ile maragi yote iliyokuwa kwenye mkono inaanguka. C'est comme s'il y a une loi. Ni kama vile kuna sheria. Dans ta vie. Ndani ya maisha yako. Qui prévoit que tu ne jouiras pas de la sueur de ton front. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allô, vous êtes là? Muko hapo. Vous êtes là? Muko hapo. Tu envoies des enfants à l'école. Unawatuma watoto shuleni. Ils étudient bien, tu payes bien. Unalipa vizuri na wanasoma vizuri. Tu viens même témoigner, Dieu m'a béni pour avoir les minervales. Unakuja kushuhudia hata Mungu amenibariki nimepata pesa ya kulipa shule. Wanapofika mshahara. C'est comme si quelqu'un tape sur la tête de ton enfant. Ni kama kuna mtu ambaye alipiga kwenye kichwa cha mtoto wako. Et puis il revient avec un bulletin rouge. Na kisha anakuja na cheti ambacho kinakuwa kinajaa kalamu nyekundu. Ou alors il a même terminé les études. Ama amemaliza hata masomo. Et c'est à ce moment-là na ni kwa wakati ule où tu espères récolter ce que tu as semé dans l'enfant. Unatumainia uweze kuvuna ile ambayo ulipanda ndani ya mtoto. Que l'enfant devient drogué. Na mtoto sasa anaanza kukunywa madawa za kulevya. Où il attrape la folie. Ama anakuwa mwenda wazimu. Où il meurt. Ama anakufa. Et tu peux te dire mais Satan, mais tu n'es pas gentil. Na unaweza kusema Satan wewe wako mzuri. Il fallait arrêter ça à tôt. Sungasa usungemaliza hivi. J'ai dépensé, je me suis tracassé, j'ai travaillé dur. Namna gani niweze kutumika vizuri. Et quand c'est l'heure de récolter, na ni wakati sasa wa kuvuna. Tu as gâché le fils. Na ukapoteza mtoto. Cela peut s'appliquer dans tous les autres domaines. Na hii inaweza kuonekana ndani ya uwanja nyingine. Tu travailles dans une entreprise. Unatumika ndani ya kampuni. Et tous les mois tout va bien, tu as bonne santé et puis etc. Na mwezi wote kabisa uko ndani ya afya njema. Mais dès que tu touches le salaire. Unapogusa tu mshahara wako. Un enfant malade. Mtoto anagonjwa. Une fièvre là-bas. Unakuwa homa huko. On a cassé à gauche. Waliharibu huko kushoto. Il y a un deuil au nord. Kunakuwa kilio huko kaskazini. Ceux qui gardaient les champs, ils ont volé les histoires. Il y a des choses à réparer avec le salaire. Kuna mama mbota tengeneza na ile mshahara ambao ulipata. Et dès que tu finis de réparer les choses avec ton salaire, na unapomaliza kutengeneza mambo na mshahara wako, le problème s'arrête. Ah, shida zinaisha. Vous avez vu ça, non? Si mumeiona. Tu t'es battu. Ume pour fonder un foyer. Ili uweze kufanya unyumba. C'était pas facile pour avoir la dot. Na ikukua rahisi ili uweze kupata mali ya kuoa. C'était compliqué. Ilikuwa ni hatari. Peut-être c'était même difficile d'avoir un mari. Sasa moja ilikuwa hata na vigumu upate mume. Tu as lutté. Ulipigana. Tu t'arrangeais chaque jour trois fois par jour. Kila siku ulikuwa unajipamba mara tatu. Pour qu'un regard ne rate pas. Ili mtu atakapopita kabisa kutazame na kuone hapo hapo. Afin pour attraper tous les regards. Ili ulete mtazamo wote kwako. Finalement, na kwa mwisho, un frère bien est arrivé. Ndugu mzuri akafika. Et puis tu es marié. Na kisha umeolewa. Et puis il y a pas d'enfant. Na kisha hakuna mtoto. C'était la fête. Ilikuwa ni karamu. Mama. Mama. Yeah, ils ont dit qu'ils vont venir. Wamesema kwamba watakuja. Papa. Baba. Ils vont venir. Watakuja. C'est la fête. Ni karamu. Papa était d'accord. Baba alikubali. Et puis tout a marché bien. Na mambo yote kaendeka sawa. Jusqu'au mariage. Mpaka siku ya ndoa. Et après. Na kisha. Pas d'enfant. Hakuna mtoto. Une année. Mwaka moja. Deux ans. Miaka mbili. La vie devient amère. Na maisha inakuwa machungu. Qui a frappé sur les résultats? Nani tu devrais récolter la plénitude de ton mariage. Ile ndoa yako yote ujao wake. Mais maintenant tu récoltes les larmes. Lakini unavuna machozi. Tu vas dans toutes les prières. Unaenda ndani ya kila maombi. Et tout le monde t'impose les mains. Na kila mtu anakuwekea mikono. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Il y a quelqu'un qui attaque la moisson. Kuna mtu ambaye anashambulia mavuno. Il attaque la moisson. Anashambulia mavuno. Tu as commencé une entreprise. Ulianza kampuni. Et vous savez, le temps de commencement est toujours délicat et difficile. Si mnajua wakati wa kwanza na tu as payé tous les prix pour y arriver. Na umejitoa ili uweze kufikia huko. Et voici. Natazama sasa. Que lorsque les bénéfices commencent à augmenter. Wakati faida inaanza kuongezeka. Il y a 10 entreprises semblables qui naissent autour de toi. Kuna makampuni zinazofanana na yako 10 ambazo zinazaliwa karibu ni nawe. Vous avez vu ce genre de choses à Goma? Simona mambo kama na haya hapa Goma. Tu as ouvert une pharmacie. Umefungua duka lako la kuuzisha madawa. Ulikuwa mwenyewe. Les gens découvrent que ça marche. Kisa watu wanagundua hii mambo kabisa inaendeka. Et puis se disent na unasema comme ça marche à cet endroit-là. Ndisi inaendeka mahali pale. Et puis il y a 15 pharmacies à côté. Kisa kuna kwa maduka 15 za kuzisha madawa karibu na wewe. Va maintenant. Uzisha sasa. Au moment où tu voulais commencer à jouir des résultats de la moisson de tes efforts, la Bible dit, Biblia nasema, tu mangeras la sueur de ton front. Utakula kwa jaso ya okay, uso wako. J'ai sué, d'accord. Nimetoa jaso. Maintenant c'est le temps de manger. Sasa ni wakati wa kula. L'ennemi dit tu ne manges pas. Adui anasema hautakula. Tu manges pas? Hautakula. Ce soir, mangaribu ya leo, Dieu t'invite Mungu à prendre conscience dans le processus de la réussite. Mettons en pratique tout ce que nous avons appris durant jifuza. Tout le mois. Prends conscience na qu'il existe un ennemi qui frappe la moisson. Et il faut le vaincre. Gédéon se leva après que l'ange lui ait parlé et il attaqua. L'ange lui dit, va démolir l'autel de ton père et bâtis à l'endroit l'autel de Dieu et vas-y. Gédéon n'était pas d'accord. Comme toi et moi, nous ne sommes pas très conscients que nous pouvons faire quelque chose. Mais voilà, tazama, il fut revêtu de l'esprit. Na que Dieu te revête l'esprit ce soir. Na et il attaqua les Médias, les Madians. Et la huitième année, il n'y a pas eu de pillage. La huitième année, ils ont joui de leur récolte. Que Dieu mavunayao. Te donne de jouir de ta récolte à partir de ce tournant décisif. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'à partir de ce tournant, l'ennemi ne mange plus à ta place. Que l'ennemi ne prenne plus ta récolte, mais que toi et tes enfants jouissent de la sueur de ton front. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais il y a aussi la première phase de la réussite. Parce qu'il faut réussir sur toute la ligne. La première phase, c'est la phase de la semence ou de la semaille. Prenez Néhémie chapitre 4, verset 1 et suivant. Vous pouvez prendre aussi Néhémie chapitre 2, verset 6 à 10 et 18 à 20. Il s'agit de Néhémie qui va aller reconstruire la muraille à Jérusalem. Mais il fait face à certains Sanballat et Tobija qui ne supportent pas que quelque chose commence. J'aimerais annoncer à quelqu'un qu'avec ce programme tournant décisif, tu vas commencer quelque chose au nom de Jésus-Christ. Pourquoi l'ennemi frappe le commencement? Parce que le diable ne supporte pas les choses qui sont faites avec Dieu. Vous allez observer ceci. Si tu veux faire quelque chose sans Dieu, tu n'as pas beaucoup de difficultés. Parce que les choses qui sont faites sans Dieu, le diable aura son compte dedans. Mais les choses faites avec Dieu, le diable se dit, comme je n'ai pas de compte dedans, je dois frapper dessus. Et comme je pas de compte dedans, c'est que ces choses que cet homme, cette femme initie vont être nuisibles à mon royaume. C'est pourquoi, avec ou sans raison, l'ennemi se dresse contre toi. On a vu certaines personnes qui ont dit, je faisais le commerce avant sans connaître Dieu. ça marchait très bien. Depuis que je me suis converti, j'essaie de faire le commerce, ça ne marche plus. Quel est le problème? Le diable n'a plus d'intérêt dedans. Et il se lève contre ça. Parce qu'il sait que maintenant ton commerce va être nuisible à lui. Parce qu'avant, il te laissait faire. Parce qu'il savait que quand il gagne un peu d'argent, tu prends une deuxième femme, une cinquième, tu fais un peu de prostitution à gauche à droite. En fait, tu fais tout ce qui est possible pour jouir la vie. Parce que demain nous mourrons. Sababu kesho tutakufa. Tu casses l'os comme gato. Unavunja mfupa kama gato. N'est-ce pas les jeunes? Sio hivyo vijana? Ningali na mai mumwili. J'ai encore de la sève dans mon corps. Il faut que je puisse enlever cette sève en moi. Tu as de l'énergie? Ah, unakuwa na nguvu? Qui profite de ton énergie? Nani anayefaidia nguvu yako? C'est Dieu ou c'est le diable? Ni Mungu ama ni Shetani? Même certaines choses que nous faisons, hata mambo tunayofanya mamoja, apparemment pour Dieu, zinaonekana kwa Mungu, mais dans lesquelles, lakini, le diable profite, ndani yake Shetani anafaidia, il va te laisser faire, anakuacha ufanye. Mais dès l'instant où il se rend compte, lakini wakati anagundua, que ça, ya kwamba hii, ça devient de Dieu, inakuwa ya Mungu, et donc je serai fauché. Na nikusema kabisa il se lève anainuka pour combattre cela. Ili anze kupiganisha hiyo. Regardez par exemple, mnaweza kuangalia kwa mfano, depuis le début de ce mois, tangu mwanzo wa mwezi huu, tu as beaucoup appris. Ulijifunza mambo nyingi. Chaque chose que tu as apprise, na kila jambo ulilojifunza, c'est une semence. Ni mbegu. C'est une semence. Nimbegu. Vous savez, najua, les choses qui viennent à surface commencent dans l'esprit. C'était souvenir dans le tournant décisif pour avoir quelque chose de physique. Ni pe Mungu, ni pe nipatie na kil, nipatie na hii. Wamoja walikuja ndani ya kipindi hiki ili wapate vitu. Mais j'aimerais vous annoncer. Lakini ningependa ni watangazie. Vous avez été tellement béni durant ce temps. Ya kwamba mlibarikiwa sana ndani ya mpango huu. Pourquoi? Sababu gani? Beaucoup de semences. Sababu kuna mbegu nyingi. Que Dieu a déposé. Ambao Mungu aliweka. Dans notre esprit. Ndani ya akili yetu. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour les semences? Je kuna mtu ambaye anaweza kushangilia Bwana. Tu as beaucoup reçu. Umepokea nyingi. Tu as beaucoup reçu. Umepokea nyingi. En fait, mnajua, dans ce programme, ndani ya mpango huu, Dieu a résolu Mungu ameamua d'agir sur nos fondements. Atende juu ya d'agir sur nos bases. Atenge juu ya misingi zetu. D'agir sur notre système de fonctionnement. Atenge juu ya namna yetu ya kuendesha mambo. Parce que là-dedans, sababu humo ndani, c'est le secret de tout. Ni siri ya mambo yote. Maintenant tu as eu la semence. Sasa umepata mbegu. Elle est dedans. Na iko ndani. Tu sais que pour réussir, unajua ili ufanikiwe, tu dois connaître ton nom divin. Unapaswa jua jina lako la kimungu. N'est-ce pas? Sio hivyo. Tu sais que pour réussir, unajua ili ufanikiwe, tu dois t'engager à poursuivre ta destinée. Unapaswa kujitoa kwa kufuatilia hatima yako. Tu sais que pour réussir, unajua ili ufanikiwe, tu dois gagner le cœur de Dieu. Unapaswa kupata moyo wa Mungu. Mais sache aussi que pour réussir, lakini ujue pia kama il faut vaincre les ennemis. Inaomba ushinde maadui. De quoi et de quoi? Ya nina nini? De la semence wa mbegu et de la moisson. Na wa mavuno. Pourquoi cela est délicat? Sababu gani mambo ni ya parce que les attaques que le diable te lance sababu mashambulizi ambayo shetani anakutupia sont sournoises. Ziko za kisiri. C'est des attaques sournoises. Inakuwa mashambulizi ya siri. Et rappelez-vous, je vous ai déjà parlé des attaques sournoises. Namukumbuke nimeshawazungumzia juu ya mashambulizi ya siri. Dans le passé. Siku zilizopita. Kwa uzo profonde. Nikiwaza ilikuwa kwa maji ya vilindi. L'ennemi vient. Adui anakuja. Pour frapper la semence. Ili apige mbegu. De manière sournoise. Kwa kisiri. Par quoi? Kupitia nini? Un. Ya kwanza. La paresse. Uvivu. La paresse intérieure. Uvivu wa ndani. La paresse intérieure. Uvivu wa ndani. C'est-à-dire, ni kusema, on comprend qu'on doit faire quelque chose, unelewa ya kwamba unapaswa kufanya jambo, Mais on est paresseux pour le faire. Lakini unakuwa mvivu kwa kuifanya. Tu comprends que tu dois chercher à connaître ton nom divin. Unaelewa ya kwamba unapaswa kutafuta ujue jina lako. Parce que ce nom est déterminant. Sababu hii jina ni amana. Pour savoir qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre. Ili utue umekuja kufanya nini duniani. Pour savoir quelle est ta mission sur la terre. Ili utue ni nini kazi yako duniani. Et tu te dis. Na unasema. On va voir ça. Tutaiona tu. Comme j'ai jeûné toute la tout le mois là. Jinsi nilifunga hii mwezi yote. Laissez-moi manger d'abord suffisamment. Et puis j'ai fait beaucoup d'économies de la prière. On a gêné. On a beaucoup parlé à Dieu. Na tukamzungumzia sana Mungu. Dieu, toi aussi tu sais, non? Si Mungu na wewe si unajua. Tu as vu que j'ai maigri. Sumona jinsi niligonda. Na uko mtu. Toi aussi, tu es un homme. Et les jours passent, les mois passent, malheureusement même les années passent. Tu as une semence que tu dois jeter dans la terre afin qu'elle pousse, mais la semence moisit dans ton dépôt. Tu sais que tu dois poursuivre ta destinée. Et nous avons vu plusieurs choses à ce sujet. Mais tu te dis, pasteur, mchungaji, mais je poursuis ma destinée. Sinafuatilia hatima yangu. C'est pas du nouveau. Sio mambo ya mpya. Mais pose-toi la question. Lakini ujiulize swali. Si cela est vrai que tu poursuis ta destinée. Kama ni kweli unafuatilia hatima yako. Quels sont les changements qui viennent à surface? Ni nini mabadiliko ambayo yanaonekana kwa wazi? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Uko na kuwa nani? Jésus dit. Yesu anasema. Si les grains de blé. Kama mbegu. Ne tombe en terre. Mbegu ya ngano hayanguke ndani ya udongo. Il reste seul. C'est-à-dire. Inabaki hiyo yenyewe. Il ne va pas se multiplier. Ni kusema haitajizidisha. Toutes les semences. Mbegu zote. Que Dieu a déposé en nous. Ambayo Mungu aliweka ndani yetu. Si nous ne les jetons pas. Kama tuitupi. Dans la terre de l'action. Ndani ya udongo wa kutumika. Dans la terre de l'initiative. Ndani ya udongo wa maanzilishi. Dans la terre de la créativité. Ndani ya udongo wa kufumbua. Nous allons rester comme nous étions. Tutabaki njisi tulivyokuwa. Avant le tournant décisif. Mbele ya kipindi hiki. Bwana asifiwe. Amina. Mais si nous acceptons. Lakini kama tunakubali. De prendre cette semence. Tuchukue hii mbegu. Et la semer. Na tuipande. Dans la terre de l'obéissance. Ndani ya udongo wa utii. Dans la terre de l'action. Ndani ya udongo wa kutumika. Frère. Ndugu. Tu vas t'étonner. Utashangaa de constater à quoi Dieu peut t'amener. Ugundue nini Mungu anaweza kupeleka ndani yake. Quelqu'un a dit. Mtu mmoja akasema. Au lieu de me donner du pain. Pali unipatie mkate. Enseigne-moi. Unifundishe. À en fabriquer. Namna gani kuitengeneza. Au lieu de me donner du poisson. Pali pa kunipatia samaki. Enseigne-moi à pêcher. Unifundishe jinsi ya kuvua samaki. Et dans ce tournant. Na ndani ya kipindi hiki. C'est comme si ce que Dieu a choisi de faire. Ni kama ile ambayo Mungu amechagua kufanya. Au lieu de nous donner des choses. Pali pa kutupatia mambo. Il a choisi de nous montrer comment on obtient ces choses. Ametuachagua ile atuufundishe namna gani tu kupata mambo hayo. Comment on obtient la réussite. Unajua sasa namna gani unaweza kupata mafanikio. Au lieu de saisissez la réussite au nom de Jésus. Chukua mafanikio kwa jina la Yesu na pokea. Je saisis la réussite. Na pokea mafanikio. Frère. Ndugu yangu. Réellement tu l'as saisi et elle est là. Kwa kweli umeichukua na iko. Mais ton système de fonctionnement. Lakini namna yako ne va pas te permettre de traduire cette réussite en réalité. Haitakuruhusu uende kuonyesha mafanikio hayo kwa kweli. Alors mieux vaut. Sasa heri. Que Dieu agisse. Mungu atumike. Sur notre système de fonctionnement. Ndani namna yetu ya kuendesha mambo. Afin que ili. Même les réussites que nous n'avons pas demandé à Dieu. Hata mafanikio ambayo hatukuomba kwa Mungu. Même les bénédictions que nous n'avons pas réclamées à Dieu. Hata baraka ambazo hatukuzidai kwa Mungu. Nous allons les produire. Tutakuwa tukizionyesha. Quand tu sais pêcher. Wakati unajua kuvua. Tu peux aller toi-même avec ton ameson. Wewe mwenyewe unaweza kwenda na ndoano yako. Et ramener 5 poissons. Na unaleta samaki 5. Mais si tu ne sais pas pêcher. Lakini kama hujui kuvua. Tu vas te contenter du morceau de poisson qu'on va t'offrir. Utafurahia tu ile kipande ya samaki ambao watakupatia. Furahi na ile. Réjouis-toi de ça. Même un morceau de tête. Hata kama ni kichwa. À un moment, on a commencé à acheter ici des morceaux de tête de poissons qui venaient de Tanzanie. Mara tulianza kuuza hapa bikichwa ambao vilitokea Tanzania. C'est comme ça qu'on appelait là, le bikichwa. Bikichwa. Bikichwa. Des grosses têtes de poissons. Et chaque fois que je vois, mais où est l'autre morceau? L'autre morceau est resté à Tanzanie. Il est à Tanzanie. On nous a envoyé les têtes de poissons. Quelle forme d'importation, chers amis. Bon, mais celui qui amène ça, il fait son argent. Hein? Parce que tu ne sais pas pêcher. Alors contente-toi de ce que tu amènes. Même si ces poissons sont périmés, mange quand même. Un peu piodi, toutes ces choses que vous connaissez. Non? Pourquoi? Parce que nous pouvons regarder. Notre nation, n'est-ce pas? C'est le pays le plus arrosé en Afrique. Je ne sais pas si dans les autres continents il y a un pays arrosé comme ça. De sorte que nous n'avons pas d'hésitation de dire que lorsque Dieu parle dans sa parole dans Ésaïe 18 et 19, ce pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Séparé par des fleuves. Je vous ai dit la fois passée, le fleuve Jourdain n'est pas vraiment grand. Hein? Un Congolais, quand il arrive en Israël, il a l'impression que c'est une rivière. Ça ressemble à une rivière. Parce qu'on appelle fleuve au Congo. Quand je suis arrivé à Kindu, Kindu. Et puis quelqu'un m'a dit, tu n'enda ku bahari. Nous allons au lac. Pour moi, bahari, c'est le lac. Na mimi bahari yangu ni ziwa hapa. Je dis, ya elaki si. Namwambia kuna ziwa hapa. Bahari ile inashuka. Akanyambia ile bahari inashuka huko. En effet. Kwa kweli. Quand il fallait traverser à Lunguli. Tulipovuka Lunguli. C'est ça, hein? À Lunguli. Lunguli. Et il fallait monter dans une pirogue. Iliomba tupande ndani ya mtumbu. C'est pas un morceau de rivière. Ni kama vile kakipande ka mto. Haiko kipande ya mto. C'était une distance jusque là-bas. Ilikuwa naenda hadi kule. Presque un kilomètre. Karibu ni kilomita moja. De largeur. Ya upana. Je dis, mais ça c'est un véritable fleuve. Na nasema hii ni mto kabisa. Mais que dire des autres rivières qu'on appelle rivières au Congo? Ubangiri. On appelle fleuve Ubangi. Je wanaita mto Ubangi. Wanaita mto. On dit rivière. Wanasema mto. Avez-vous déjà vu ça? Meshaiona. Quand on parle de Epulu, de Lindi, de tout ça là, vous connaissez tous ces rivières. Unajua ile mitoni yote. Mais c'est Lindi et les autres. Na Lindi ils ont presque la dimension du fleuve Jourdain. Zinatafuta kuwa sawa kama ile mto Yordani. Et donc le pays séparé par des fleuves. Et quelque part ici. Dites, il est quelque part ici. Et donc, c'est prophétiquement une responsabilité. Bwana sifiwe. Amina. J'aimerais dire ce soir, l'ennemi ne supporte pas la semence. Mbegu. Et il ne supporte pas la moisson. Na hakubali mavuno. Vous savez, mnajua, lorsque tu as semé, wakati umepanda, si la semence avorte, kama ile mbegu ina promosha, ça avorte, c'est-à-dire inatoka mbio mbio, inaribika, ça avorte, inatoka inaribika, c'est-à-dire à l'heure de la moisson, ni kusema kwa tu avais peut-être planté wakuvuna hors saison, ulipanda nyuma ya wakilimo. Et qu'est-ce que tu vas faire de ces maïs ou de ces tiges de maïs qui n'ont pas de gousses? Utafanya nini na ile mihindi ambayo haina mihindi. Mihindi. Alléluia. OK, on offre au Seigneur en même temps. Tutakuwa tuko tunamtolea Bwana. Le panier est en train de passer. Vitunga vinapita. Si quelqu'un était contre toi, kama kuna mtu ambaye hakufurahia, et qu'il savait que tu as semé hors saison, na najua kwamba umepanda nyuma ya kilimo, tournant, Il sait que tu es en train de dépenser pour rien. Tu fais des efforts pour rien. Unajikaza kwa bure. À la fin de tout, na mwisho wa yote, il n'y a pas de récolte. Hakuna mavuno. Et donc, na nikusema, cet ennemi peut t'aider ula adui anaweza kusaidia, à être paresseux ukue muvivu, à l'heure de la semence. Kwa wakati wa kupanda, et être courageux na ukue na juhudi, quand ce n'est plus la saison. Wakati haiko tena kilimo. Vous avez déjà vu ça? Yona. Tu vas avoir l'impression que c'est normal. Utawaza kwamba ni kawaida. Mais c'est des attaques sournoises. Lakini ni mashambulizi ya siri. Qui produisent ton malheur. Ambazo zinaleta mateso yako. Tu auras dépensé et la semence. Utakuwa umetoa hata ile mbegu. Et l'argent. Na pesa. Le temps et les efforts. Wakati na kujikaza. Mais récolte zéro. Lakini mavuno bure. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini mepitikana? Tu as été attaqué. Umeshambuliwa. À la semence. Wakati wa kupanda. Au plan pratique, tukiingia kwa ngambo ya kutumika vizuri. Beaucoup d'entre nous, wengi kati yetu, nous n'arrivons pas à produire, hatufikie kutoa, à investir, kuwekeza, à initier, kuanzilisha mambo, parce que sababu, nous sommes attaqués à la semence. Tunasambuliwa wakati wa kupanda. Certains même attrapent, si nous allons dans le domaine du commerce, wengine hata ndani ya uchuzi, certains attrapent un capital. Kuna watu wanaochukua pesa za kuanzilisha nazo. Mais à cause de sa paresse intérieure. Lakini sababu ya udhaifu wake wa ndani. Il commence à tâtonner. Ananza kupapasa papasa. Qu'est-ce que je vais faire? Nitafanya nini? Quand est-ce que je vais faire? Nitafanya sa. Je garde ça d'abord. Ninaweka kwanza hii. Je vais me renseigner. Nitatafuta kwanza habari. Je n'ai pas d'expérience. Sina utaalamu. Il y a toutes sortes de choses qui te passent dans l'esprit. Kuna mambo nyingi ambayo yanapitikana kichwani mwako. Et qui finalement te fait rater plusieurs opportunités. Inakupoteza fursa nyingi. Et à la fin, na kwa mwisho, il y a un enfant qui est tombé malade. Kuna mtoto ambaye amegonjwa. Et on a soigné l'enfant avec cet argent. Na walimtunza mtoto na ile pesa. Où il y a un oncle qui est venu. Na kuna mjomba aliyekuja. Il a dit ma femme a accouché. Na kasema mke wangu alizaa. J'ai manqué l'argent pour la sortie de l'hôpital. Na nakosa pesa ili niweze kumuondoa ndani ya hospitali. Et il t'a dit. Na kakwambia. Si tu ne me secours pas. Kama unisaidie. Je suis ton oncle. Mimi ni mjomba wako. Je vais t'ensorceler. Nitakuloga. Comme quelque part quoi. Kama nafasi moja hivi. Et tu as libéré l'argent. Na ukampatia pesa. Mais c'est ton capital. Lakini ni pesa yako ya kuanzisha utuzi. Et dès l'instant où le capital n'est plus là. Na wakati ile pesa iko tena. Les idées viennent maintenant. Oh, sasa mawazo yanafika. Oh, haya. C'est ça. Ni hii. Je vais le faire. Nitaifanya. Oh, mais je n'ai plus le moyen. Lakini sina tena pesa. Qu'est-ce qui vient de se produire dans ta vie? Imepitikana maishani mwako. Il y a une attaque. Kulikuwa kushambuliwa. À la semence. Wakati wa kupanda. Comment sortir de ces choses? Namna gani kuondoka ndani ya mambo haya? Premièrement, ya kwanza, c'est maintenant. Ni wakati wa sasa. Que tu prennes conscience. Uchukue zamiri. Que ces attaques là existent. Ya kwamba yale mashambulizi yako. Que tu comprennes. Uelewe. Pourquoi? Sababu gani? Tu es resté au standby. Umebaki tu fasi moja. Malgré toutes les aspirations. Ijapokuwa uvuviwo nyingi. Que Dieu te donne. Ambao Mungu anakupatia. Pour faire quelque chose. Ili ufanye jambo. Pour faire un travail. Ili ufanye kazi. Pour faire un ministère. Ili ufanye huduma. N'est-ce pas quelquefois? Si mara tu marches sur la rue. Unatembea barabarani. Dieu t'a mis à cœur. Na Mungu ameweka moyoni mwako. Je vous ai dit que notre nom. Niliwaambia ya kwamba jina lake. Lumière des nations. Sisi ni nuru ya mataifa. Et porteur de salut. Na wapelekaji wa wokovu. C'est une semence. Ni mbegu. Qui est déjà là. Ambayo imeshafikua ndani. C'est une lumière de Dieu. Inakuwa nuru ya Mungu. Qui est déjà là dans notre esprit. Ambayo imeshakuwa ndani ya roho yetu. Mais il faut passer à l'action. Lakini naomba utimize. Mais tu vas marcher sur la rue. Lakini utatembea barabarani. Et rencontrer quelqu'un. Na unamkuta mtu. Et l'esprit te dit. Na roho anakuambia. Avance-toi de ce char. Tembea mbele ya gari hili. Karibia mbele ya gari hii. Avance-toi de ce char. Karibia mbele ya gari hii. Parle à cet homme. Nazungumzia ule mtu. Et la paresse intérieure. Na udhaifu wa ndani. Te dira. Unakwambia. Ah, mais qu'est-ce qu'il va croire? Je ataamini. Il va trouver que je suis orgueilleux. Atona niko na kiburi. Mais c'est un adulte plus âgé que moi. Si ni mtu mzima na anakuwa na miaka nyingi kunishinda. Ou alors. Ama. Mais ces petits-là, ule kijana mais ils sont en train de souffrir, c'est leur faute. sinishida yao, kosa yao. L'ennemi est en train de te manipuler. Adui iko na kutumikisha. Là dans le siège même de ta semence. Umo ndani ya makao ya mbegu yako. Et finalement, na kwa mwisho, tu fais passer l'opportunité. Unapitisha ile fursa. Et dans les minutes qui suivent, na ndani ya dakika zinazofuata, Pasteur Mungwana nous a parlé de son expérience. Ndugu mchungaji Mungwana alituzungumzia juu ya mambo aliyoyaishi. Lorsqu'il venait de Kisangani et que Dieu lui dit, Kisangani, prêche à ses co-voyageurs. Et puis il a hésité. Or il y avait la mort de l'un d'entre eux dans les convois, dans les minutes qui suivaient. Ndani ya dakika zilizofuata kulikuwa mmoja wao ambaye angepasuka. Ils dans une embuscade. Wanaingia ndani ya hatari. Il y a les balles qui crépitent. Na kuna masasi nayopita. Et l'un des voyageurs tombe. Na mmoja wa safiri anaanguka. Et lui-même attrape une balle. Na yeye mwenyewe anapata lisasi. Et puis se dit, na kisha anasema ya. Dieu était en train de me parler. Mungu alikuwa akinizungumzia. J'aimerais te dire frère. Ningependa nikwambie ndugu. La réussite, mafanikio, quel que soit le domaine, ijalishi uwanja, elle commence dans ton système de fonctionnement. Inaanza ndani ya akili yako. Parce que c'est là-dedans que Dieu dépose la semence de toutes tes réussites. Que tu sois pasteur, que tu sois homme d'affaires entrepreneur, que tu sois un commerçant, quel que soit le domaine, la semence de ta bénédiction est déposée dans ton système de fonctionnement par Dieu. La bénédiction de Dieu enrichit et il n'en fait suivre aucun chagrin. Maintenant, l'étape suivante, c'est de semer ces semences par l'obéissance dans les circonstances, dans les opportunités. Sème la semence. Mbegu. Sème panda l'inspiration que tu as reçue. Ufufuo uliopokea. Sème panda la voix de l'esprit. Ile sauti ya roho que tu as entendu. Ulioisikia. Sème panda. Voyez la richesse. Nona utajiri. Le bien-être économique. Kuwa vizuri kiuchumi. Consiste. Inahusu. Non pas à recevoir. Hapana kupokea. Mais à produire. Lakini kwa kupana, kwa kutoa. Je vous ai dit, niliwambia, la réussite mafanikio ne consiste pas ayusu à recevoir un paquet d'argent. Kupokea furushi ya pesa. Tu ne pourras jamais dire que tu as réussi. Hautasema umefanikiwa. Si je t'apporte kama nakuletea un carton $1,000,000. Furushi ya milioni moja ya dola. Et tu dis j'ai réussi hein. Na unasema nimefanikiwa. Tu n'as pas réussi. Haukufanikiwa. Les millions là. Ile milioni. C'est une semence. Inakuwa mbegu. On parlera de réussite à toi, à ton sujet. Watazungumzia mafanikio. Que lorsque tu seras capable de transformer ces millions. Wakati utakuwa na uwezo wa kubadilisha ile milioni. À des richesses. Ndani ya utajiri nyingi. Donc la plupart d'entre nous, on a été roulés par l'ennemi. Certains disent, si Dieu me donne $500, en tout cas, et quand il y a $500, si Dieu me donne 2000, quel est ton problème? Ta semence est frappée régulièrement. Et tu ne pourras jamais initier. Tu ne pourras jamais faire quoi que ce soit. Bon, amina. J'aimerais qu'on puisse prier pendant quelques instants. Tu vas te lever. Utasimama. Et tu vas considérer ta propre expérience quand il s'agit de la semence, comment ça se passe avec toi. Quand il s'agit de la moisson, comment ça se passe avec toi. Est-ce que tu arrives à jouir de ce que tu as semé et accompagné? Est-ce que tu arrives à jouir la sueur de ton front? Est-ce que tu arrives à jouir de la peine et de la vie que tu consens ambao unasikia. Et tu arrives à jouir. Je unafurahia. Des résultats de tes investissements dans tes enfants. Matokeo ya mawekezo yako ndani ya watoto wako. Il y a des difficultés que beaucoup d'entre nous. Kuna magumu ambao wengi wetu. Vive. Wanaishi. Nous voulons prier pour cela. Tunatamani tuombee hiyo. N'attendons pas toujours que l'ennemi nous frappe. Tusingoje tu adui atupige. Pour que nous réagissions. Ili tuanze kutumika. La bonne guerre. Vita nzuri. C'est la guerre dans laquelle tu attaques. Ni vita ambao wewe mwenyewe unashambulia. Si tu attends que l'ennemi fasse son programme de venir t'attaquer. Kama unashambulia adui ambaye anaanza kuja kukushambulia. Et qu'il fasse toute cette stratégie. Na anafanya mbinu zake zote. Pour que lorsqu'il arrive à la porte. Yeye anapofika kwenye mlango. Tu commences à réfléchir comment agir et réagir. Uanze sasa kujifunza namna gani utashinda. Tu seras déjà 50% perdant. Utakuwa asilimia 50 umeshapoteza. Mais si tu peux prier à temps. Lakini kama unaomba kwa wakati. Et dis Seigneur. Na useme Bwana. J'entre maintenant dans mon tournant décisif. Sasa ndani ya mzunguko wangu. Dans ma vitesse de croisière. Ndani ya umbio wangu wa haraka. En matière de réussite. Kufuatana na mafanikio. Pourquoi Seigneur? Je résiste ninakata à tout plan du diable kila mpango wa shetani qu'il va lever contre moi ambaye atainua juu yangu quand je devrais récolter et jouir de ce que j'ai semé. Wakati ningepasa kufaidia ile ambayo niliweza kupanda. Dès maintenant, tangu sasa, je prends conscience nachukua dhamiri des attaques sur la semence ya masambulizi juu ya mbegu. Seigneur, Bwana, je voudrais me lever contre cela. Ningependa nipigane nayo. Que mes semences, mbegu zangu, soient semées, ziende zikapandwe, poussent, ziote, se développent, zikomae, produisent des fleurs, zitoe maua, et des fruits, na zitoe matunda, et produisent des richesses, na zitoe utajiri, richesses spirituelles, utajiri wa kiroho, comme richesses matérielles, kama vile utajiri kivili, comme richesses sociales, kama vile utajiri kijamii, comme richesses en tous égards, kama vile utajiri Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, je te bénirai à l'infini. Bariki hadi mwisho. As-tu déjà cru à ça? Je umeshaamini hiyo. Je te bénirai à l'infini. Nitakubariki mpaka mwisho. Avez-vous vu Dieu venir déposer des colis de bénédiction à Abraham? Jamona Mungu akileta furushi za baraka kwa Abraham. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Baraka Mungu aliyompatia Abraham. C'était ses capacités là. Ilikuwa ile uwezo. Est-ce que tu peux lever celui qui est à côté de toi? Je unaweza kusimamisha naye kwa karibu na wewe. Et lui dire, namwambie, nous allons prier. Tutaomba. Commence à prier. Anza.